mode, mode. Les vrais raquettes du haut, comme lui, je me tiens en mode. Kill mode, mode, faut que je kill mode, mode. Les vrais raquettes du haut, comme lui, je me tiens en mode. Non, tu parles, tu fais ce Saint-Esprit. Et yo, je te shooté devant un mec qui est pas Saint-Esprit. Au nom du parc, tu fais ce Saint-Esprit. Montre-moi tes fesses, montre-moi tes seins, c'était une hausse hostile. Hey yo, wait that boy, you ain't mortal. But one of those days you gonna die. That's when we see it, your mama cry. Bad stretch on a bed, should they never let you walk again. My friend, this is the best, going first, but I think we all go. I'm from the south side of Nashville. I murder you with my steel-o. And guess who's back on this dope beat? We'll flip and make a comeback. But if you have get paid every time you have fuck a boy in the hood, you be rich. Stacking, just acting like a good bitch. But there's no snitch. And look at shit for your hood, bitch. Man, fuck that shit. So kill, murder, murder. Kill, murder, murder. Yeah. And you know, I got a street credibility. Wanna fuck with me, boy, you been in bad ability. Listen up, kids, you ain't got the ability. Kill, murder, murder, so kill, murder, murder. Click, click, click, push the kill, murder, murder. J'tue ta femme, tes enfants, puis j'fous ta maman. Click, click, click, so kill, murder, murder. Kill, murder, murder, so kill, murder, murder. J'suis comme le serial killer, j'fais le shit à n'importe quelle heure. J'mange pas des serial killer pendant que les gars de Kellogg. J'ai rien à foutre de toi et de la plupart des kids. Pendant que tu sais que tu peux pas tester la plupart des gars de mon équipe. J'suis les kids, j'te tire une balle à la tête. Avec le temps, tu sais très bien que j'suis terrain dans piège. J'ai rien à foutre de eux, même des jours de tempête. Pendant que tu sais très bien qu'aujourd'hui y'a tant de guerre. J'ai pas besoin de me convaincre. J'ai rien à foutre, j'verrai pas un tout petit convainc. Le hip-hop québécois rendu une mes enceintes. J'l'ai pris par derrière, après j'l'ai mise enceinte. Et rien à foutre des buts de leur mise en scène. Avec le temps, tu sais très bien que j'mets des enceintes. J'les entends en bas de la tombe de leur mère. Pendant que la plupart des gars, je les dompe dans la mer. J'ai tellement goûté les sauveurs, que tu pleures dans les sauveurs. C'est que dans le street, la plupart de mes gars au père. J'ai rien à foutre, on s'est jamais fié au père. Pendant que tu sais très bien que la petite a les yeux bas. Je la mets à l'endroit, puis après à l'envers. Comme un cerceau, puis on l'encercle. Attends pas que je t'explique pourquoi qu'ils sont pique. Pendant que tu mets le son directement dans tes speakers. Je débarque avec un style d'animal. Ça frappe chirurgical, même sur pas de cathédrale. Je peux bien t'ouvrir le ventre, tout baiser, ça détend. T'auras pas le temps de détendre, t'es pas de te l'attendre. Je peux même t'enterrer ou décapiter. Je suis le chien sale, crade, qui prend pas la dépendable. Que je fasse du vandal, que je crache mes cordes vocales. Dans le fond, man, tu le vois bien que je suis un malade. Que je découpe ton petit frère ou que je baisse ta mère. Fuck that, c'est dans ma tête, puis c'est mes affaires. Où j'aime les flaques de sang, les lames perçantes. L'abdomen, la chair humaine, tout ce qui est sanglant. Kill, murder, murder, so kill, murder, murder. Click, click, click, puis je te kill, murder, murder. Kill, murder, murder, so kill, murder, murder. Click, click, click, puis je te kill, murder, murder.